lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Héry, on se retrouve pour Hind à Brezonek, Kentel Pemkan Triver, comme tu dis, toi. Triver ? Il y a en Triver, il y a. Triveria. Il y en a qui disent Triver. Triveria. Ben c'est 3 x 6, quoi. 518. 518. On va retrouver, comme d'habitude, trois parties dans cette émission de Hind à Brezonek. Et on débute par Gerriou Arvué, oui. Avec à chaque fois un mot nouveau. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est un verbe dont on donnera la racine pour commencer. C'est un verbe qui dérive d'un mot. C'est crignat. Crignat qui veut dire ronger, éroder. Voilà, ronger quoi. Alors c'est le mot lui-même crigne est peu employé et il désigne une croûte. Au départ, une croûte. C'est un mot masculin, rigne, et qui est un ancien français, qui est un mot emprunté à l'ancien français, grigne, hein, qui a donné le verbe grignoter en français. Crigne quand même dans pâte aux crignes, on l'entend beaucoup. Hein. Oui, pâte aux crignes, oui, oui, oui. Bah oui, c'est la croûte, hein. Quelque chose de voilà, pâte aux crignes. Donc, alors le mot lui-même, on le trouve dans crigne B, par exemple, hein, le cancer, brain crigne, la gangrène. Donc, des maladies qui se traduisent par l'action de ronger. Hein. Voilà. Alors, ce verbe a donné. Ce mot crigne a donné le verbe crignat, ou crignal aussi dans certaines régions, hein, on dit crignal, qui veut dire ronger, grignoter, user, éroder. Voilà. En gallo, c'est rucher. Mm-hmm. Ou roucher, ça dépend. Hein, donner un os à rucher. Oui, oui. C'est du gallo, ça? C'est du gallo, ça, oui. Comme quoi, il y a aussi du gallo qui rentre dans le langage. Ouais, et puis dans le langage quotidien, quoi. Hein, oui, ouais. Un os à rucher, oui. Voilà. Alors, crignade, le participe passé, c'est crignade, hein, qui veut dire ronger, éroder, user, hein. Voilà. Crignade traduit aussi l'action de gratiner. Ça traduit à la fois parasiter et gratiner, hein, comme tu disais tout à l'heure, pâte aux crignes. Voilà. Alors, crignaden. C'est un mot féminin qui veut dire un grignotement, hein, ou un grignotage. Voilà. Donc c'est un mot féminin, donc ça donne un grignaden. Hein. Voilà. Il y a un mot masculin qui est crignadure, hein, qui a à peu près le même sens. Hein. Donc là, on aura une mutation différente, c'est-à-dire crignadure. Hein. Voilà. Crignenus, qui veut dire corrosif, hein. Voilà. Crigneur, c'est rongeur, rigneur, hein, le rongeur, ou crignour, hein, le rongeur à la fois l'animal et puis celui qui ronge pour une raison ou pour une autre. Hein. Un chien peut devenir un rongeur, un rucheur d'os. Hein, voilà. Crignoraskorn, c'est un surnom qu'on donnait. Crigneur Ascorn, un avare, qui ronge l'os presque jusqu'à la moelle, quoi, là. Voilà. Crinius, hein, corrosif. Expression aussi avec le verbe crignat, crignat traidorzan, ronger le pied des saints. Ça s'adresse à des gens qui sont tout le temps à l'église. Ronger le pied des saints, c'est le pied des statues, en fait. Crignat traidorzan, hein. Ce serait la grenouille de bénitier, quoi. Voilà. Alors, on n'embrassait pas le pied des statues, mais on les rongeait carrément. On les rongeait, oui. Il y a, pour finir, un dicton, « Armenesius Scrignac avec as un diol de Scrignac ». Sur la montagne, sur les montagnes de Scrignac, on en voit le diable ronger ce qu'il peut trouver, quoi. Donc, c'est évidemment toujours des voisins qui ironise sur la paroisse d'à côté. Hein, c'est tellement pauvre que c'en est ridicule. Pauvre que c'en est ridicule, voilà. Bon. Armenesius Scrignac, hein. Avec asset d'un diaul de Scrignac. Bon. On en reste là? N'est que fal vide et chui. Allez, on en reste là, on passe à la seconde partie. Léry, Brezhoneg t'en m'attende, c'est la seconde partie de l'émission. On continue de découvrir ces mots qui viennent du gaulois. Oui, voilà. Alors, la dernière fois, d'ailleurs, il y avait une petite confusion. La dernière fois, j'avais repris des mots qui avaient déjà été traités. Deux ou trois mots à la fin qui avaient déjà été traités, mais n'est que strict. Donc, on va repartir sur la bonne direction. Alors, Izarno, c'est le fer, hein, qui a donné le breton Houarn, hein, enfin, qui n'a pas donné le breton Houarn, qui est parallèle au breton Houarn, et qui a donné le mot anglais iron. Hein. Curieusement, le mot anglais vient du celte aussi, quoi. Voilà. Yuta, qui veut dire de la bouillie, hein, c'est l'équivalent du breton yout, hein. Voilà. Alors, Ivos, c'est l'un des noms de l'if, hein, il y en a plusieurs, hein, qui a donné le français if, qu'on trouve par exemple dans Ifto, Ifignac, et le breton Ivin. Hein. Y avait un autre nom qui est Eburo, hein, dont j'avais parlé la dernière fois. Le breton Ivin, hein, Venivin, qui est un arbre sacré chez les Celtes, hein, et l'arbre du cimetière, bien sûr, en Bretagne. Voilà. Ledo, qui veut dire une chanson, quoi. L-A-I-D-O. J'étais en train de réfléchir que, en allemand, il y a le mot Lied, qui doit avoir la même origine, probablement, et qui a donné en breton, il y a l'équivalent, qui était le lait, hein, L-A-I-L, le lait de Marie de France, hein, les Bretons firent un lait, hein, voilà, qui a disparu dans le breton d'aujourd'hui. Hein. Alors, landa, qui est un mot gaulois qu'on retrouve un petit peu partout dans des noms de lieux, sous des formes différentes, hein, en français, c'est la lande, hein, en allemand, on trouve land aussi, hein. Et en breton, land. Alors donc, il y a à la fois l'idée de la lande et puis de la végétation de la lande. Donc l'ajon, en fait, en breton, quoi. Voilà. Laris, c'est une, en gaulois, L-A-R-I-S, c'est une terre inculte. Hein. Donc, on trouve dans certains noms de lieux, hein, et qu'on trouve en toponymie aujourd'hui dans des noms de lieux. Hein. En français et en breton, c'est l'heure. Hein. L'heure, qui est une aire, hein, oui, je pense à l'aire abatte, par exemple, hein, et puis le sol. Hein. Enfin, c'est une surface sans végétation. Hein. Ou alors avec une petite végétation, mais trute, quoi. Hein. Alors, leuga, L-E-U-G-A, donc, qui est une vieille mesure, hein, qui était employée chez les Gaulois, qui a donné le français lieu, et Léo en breton, hein. Et dans d'autres langues, comme en italien, Léga, hein. Alors, ça fait à peu près 4 kilomètres. Maintenant, ça fait, en breton, c'est pour ça qu'à 1 kilomètre, on dit hardly, quoi. Voilà, la lieu. Et ça a donné le mot banlieue aussi, hein. Ah oui. Oui, la zone d'influence d'un moulin. La banlieue. D'accord. Ouais. Incroyable. Oui. Incroyable. Oui, oui. Voilà. Lieto, L-I-E-T-O, donc qui est le mot gaulois pour dire gris, et qui se rapproche du breton louedin, qui est pas souvent utilisé et puis qui est souvent confondu avec loudet, moisi, parce que le moisi est souvent gris, hein, louet. Voilà, c'est aussi un nom de famille, hein, répandu en Bretagne. Alors lindo. L-I-N-D-O, qu'on trouve dans des noms de lieux aussi. Hein, c'est une étendue d'eau, hein, un lac, un étang. Hein. C'est l'équivalent du breton laine. Hein. On trouve ça d'ailleurs, par exemple, dans d'autres pays. Par exemple, en Irlande, Dublin, hein, le lac noir. C'est Dub, hein, et laine, c'est l'équivalent de laine, quoi. Voilà, le lac noir. Le lycée, Lissos, L-I-2-S-O-S, 2-S-O-S, c'est une palissade, en fait. Hein. Donc, on trouve ça en breton aussi, c'est l'aise, hein, qui veut dire la cour. Hein. L'issos, c'est la palissade, et c'est aussi la cour qui est entourée d'une palissade. Hein. Et qu'on trouve en breton l'aise, hein, la cour au sens noble du terme. Hein. comme le Helles en Trémargat, par exemple, la vieille cour, hein, Helles. Voilà. Litos, Litos et Litéos, c'est une fête, une célébration, hein, qui est à rapprocher du breton Lid, hein. Lid et Lidan, hein. Lidan, c'est célébrer quelque chose, hein. Loukouto, Loukouto, qui veut dire une souris en gaulois. Et c'est à rapprocher, bien sûr, de Logoden en breton. Logoden qui est la souris, hein. Pluriel Logoden. Luerne, Luerne, c'est le renard, L-U-E-R-N en gaulois. Et bien sûr, c'est très proche du breton, hein, Louarn. Lug, Lug, c'est la lumière, donc qui a donné un nom de dieu, hein, le dieu des morts, de la lumière, de la prière. Il est fêté le 1er août, hein. Il était fêté le 1er août chez les Gaulois, et ça a donné beaucoup de noms de lieux, par exemple les noms de lieux qui sont en Luc du Nom, hein, Loudun par exemple, Laudun, Lyon, et en breton Lur, hein. C'est, d'ailleurs c'est très proche du latin Lux, hein. Tout ça c'est des racines, c'est des mots donc de racines indo-européennes. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour Brezhoneg-Tamatamb. On passe à la troisième partie, Petra Zonevervro. Eri, Petra zo nevervro. Ben, kalze draou zo nevervro, just, evel just, boervis diouzan. Krogom de diantan, velkiz a custum, gant la bour douar, hag ur vue war ar mez. Eru om ba miz heere, tramen ran amzer, hein, echu e un an, a bremen ma ur houls, de hard ar guniz han, guniz gwan pe la rin mat, a de zer e un trevadou evit kaout bouet vid de londet, pa d'ar gwan. A grand meutre istol et ar maïs hag ur betraves. A bretor e maïs ur blaman deus pemzekte hag prestit vo zer tout bavro. Setu vo kavet bouet evit de londet pa d'ar gwan hag zezo ur chans du devro ke peve gwelet pegen trist e'n trou gant ur zero ur l'air ouzo. Brovrans hendel. A grand me bon deus meus klevet oak ur reval ur maïs me meustra ur blaman. Pudur neus bet dour pez... Pévanqué. Ne ce que Pelzo, puis comme de ce l'arbre d'oua, ou abé digo avoir un ton de bras, ta lait sinutra bacarès. Ah, ou à calze dude, hein, peine ou bras, et vel juste vide igoradur sinutra bacarès. Ag, et non vos grettes, bastals, vos grettes bleues de lait, et vide mag en bugal et vienne brochina. Ag, Dre Porzmour Brest vos casse de heure bleute de l'Est de Vrochina. Évitude zo, c'est son dravat, puis dur, bonne vos crou et poste au labour, évitude de ce vro, à que vos digor, d'ormar à neve, évite, les heures vro. Évitude d'elle, n'est que ton droit tient vats, puis dur, n'est que mat, boudindan gal ou de brochina, puis tu de brochina, vide les, à que, prise vos grèdes gan un du de brochina, n'est que gan un du de vro. Bonne de bépine, ni d'origine, joar un, d'achens, gwelet vous, red vous gottas, gwelet vous. Et vite, chon, mon temps, war d'achens de l'aise. Clasquera beau Europa, ne beta de l'aise produit, vid l'aca de prise de Greskin. Assez-tu vos icours de ré, ray neptor l'aise, et vite peblita de neptor, grain neptor, saison de drafentusoir, vide lita de l'aise à nouveau que produit, vos ro et perse centime, centime euro, hein, pèlerin de mode, gandbro europa, à dix centimes gandbro vrance, pèserei per centime warnugen, et vide, urlitat neubetor. T'as queer, zirei quasi war mames prise, vide lita d'anno que produit, vide lita d'anno que produit. Un zézo, dra, iskis de comprenant temps, mais dis vos comptes. Ag, wardro trisek mil zavers out, ne zine visé, bah, provrance, a wardro hanter kan mil, vide repas e bis. Mais arrête vos gottes à son temps de vel lagin, vos effets du zendrasé, vide, kreski prise l'aise. Comme ce vécals marément, à mûr mui, de ce labourdou arbio. Vidor wer mistien tan ur bla dauvil, ruizek, blama, marad en dandvezio produit et herve lezen ou labor dou ar bio, en deus kreske deus ugen dregan, pesou au bern. Tos de wer dregan deus en dou ar brovrans, zo labour et vraiment, herve lezen ou en dou ar bio. Am ave kreske dis pa de trib la roas, votos de dig dregan deus en dou ar vos gred ar bio, Brovrance. Ag, zou et usoir et gwel pe samo drey novel. Pe wan oise or bug, el zizo pe zo bwe, triugen blasso, mais jongement de mestese, re oa sens de vous de pen ou bras, visionnaire ad velvelar d'in galag, hein, les visionnaires, rins l'ar et vigebe de mag d'un dud gan pilule, gan, gant ki gret gant ioulmeñ, hein, l'art vijet de se biftek de pétrole, hag benefin un traoù n'en kedet tambe oam tuz, me rontre le, un du de glas mu or mui, debin traoù toster de ze nature, gant neptor dant vezio chimik bars. Hag zezo just de rontre de ze pez de jonge, visionnaire. Hag an se, mais, Zuroir vit de visionnaire zo hu d'une dé, et on tombe ma mesmode, pesvelar a tim vo ton au ton, n'est que zur ton, teille. Bon, dans mon tombe, wardash en or politique, res vraiment. Tostaram tombe à tombe de ze votade, gevid de lacadondin, ou arcade orveur, brovrance. C'est humain, politique courrien, au fir vicals, bantuguel à banturu, et vid good pil au hello, le monde ou regard dormant. Ag, bon, de djantan vos grèdes, vota dégou, vit dibab, ré au war rink, hein, primaire, velasé, a ou aller vos gouel, pesambo de vos con. Alors, vigement, en de compte, on tombe de ce pesvelard, d'oir histoire brovrance. Cal ze jèche blé, zo, war zé, brovrance, plus dur, pouvait votade ou dit, mais comme ce calse de histoire Brovrance. Bah, Brovrance, mais stume tut, et vide, oberkentelio histoire. Réellement, rastu dit histoire bascol veur, bascol youver evro, d'ascoir, bah, brest, pe bah, roison, pe bah, nanglet. A waler, erret et tramen au roncourt, rapes, pe, n'agrégation. C'est-tu, Gélénère, y'en se zo, en parloir en histoire. Histoire, Pobloueur B, d'histoire, Bro Europa, d'histoire, Bro France. Mais, pévecle, et calze de zo politico, y'en zo bavrance, au comble de ce qu'il est là, d'une histoire, et zo et zuzoir, pévecle, et vide, éviter politicour jenseus aux jacobines toutes, gelener yen histoire de l'effet conto d'or vugale, roman national de l'arrêté or sort gontaden, bizarvet pelzo déjà quand tu vel Ernest Lavis, or gontaden, et vide or disqui pesamone, et bien sens de une histoire Hervé et jacobinet. À Doberzé de la de Gonto Nistor Hervé Jacobine n'est que red quand tu d'en parloir Nistor à Mamezlar fin Evidoberzé avait fait Bigueller quand Kellener y en a no war fin que calzedra war d'achen Nistor mais de disement con Evichon me on t'en war d'achen Zévenadion l'ennemeuse Zunel bah ouest éclair ou à Nitra ou député Brogwengam, au vent de Guinigun, un temps de lézen et vide gwella de stade Jésus Gwaskat ve leur brezon le, à Zézo Zouez Usoir, plus dur en ce que Gwalbelzo a bekinig de lézen gand Paul Molak, à Noa Kaï Denebet, au vote en lézen, à Bromen vo had, had kinig de lézen, hein, et vide zé. Babla, Mino, Hanonan, à Hunter Kant, ou à vote de Lézen Dixon, a dit ce qu'en Lézen Dixon, allait, Vistrisco, l'oberneur, Brezon, de Gesun, Bascolajou, Bascoliou, hein. Ag, Gwelleret de Hudundé, Roas, Zocals, Scoliou, Bavron, avec Gred, honneur, Zune, Brezon, Namamez, Zune, honneur, Bla, puis au Landro, Velmogne. À Bromen, vos Gred, vos cliniques dans les lesen, mais de ne ce que chance bi de drame, plus dur, bon, on maille, bah, Maria Votadeg, ou un que de politico, il y a une manque change à l'basétine. Ag, m'avait moyen de faire bi d'or, histoire, dans les lesen, ou zo bi, clinique de bois, bois, lesen d'exon, au nom de Bla, puis Wardro, ag, ne ce que bi de drame, haï bi de bêta vraiment, hein. À Zulgué, je, avait même ce monde, avait même ce tabut, ou même ce guerre, y'en avait l'art. Bon, je m'en roise, vous compte même ce monde. Bon, c'est eu un temps de spéçonner, v'est bavro. C'est eu, l'art en d'art, qu'il n'avo, chilové en d'arcabé, qu'il n'avo d'art à Morgane. Qui nous irie? Ya, t'y en avait gel.